Bonjour, jeudi 18 novembre. Il n'y a pas encore personne. Bon, on va attendre que les gens arrivent un peu. J'aurais peut-être dû me raser. Donc, jeudi 18 novembre. Par rapport à forcer le contact, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Puis, vous ne pouvez pas forcer votre double à vous parler. C'est presque impossible. Vous ne pouvez pas forcer le contact tout seul, par exemple, avec le double. C'est presque impossible. Par contre, vous pouvez forcer le contact des fois avec l'esprit. Mais là, ça prend certaines conditions, comme par exemple, là, s'il y a une condition difficile, certaines épreuves. Ça peut arriver de forcer le contact pour pouvoir avoir un contact avec l'esprit. Mais forcer le contact avec le double, ça, c'est pas. Moi, je n'ai pas d'exemple, genre, dans le sens au niveau de ce que j'ai vu, ce qu'on m'a rapporté, on ne peut pas forcer le contact avec le double. En tout cas, pas tout seul. Puis même là, ça, c'est une question de timing, on dirait. Puis c'est une question aussi d'être prêt. Ça arrive quand ça arrive. Mais il est possible de forcer le contact avec l'esprit. Mais tout seul, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible avec l'esprit. Pas avec le double nécessairement. Bonjour, bonsoir. Donc, par rapport là, à tout ça, l'affaire de forcer le contact, de pas penser qu'on peut forcer le double à nous répondre. C'est extrêmement difficile. Puis, surtout pas tout seul, j'ai aucun exemple de. Mais par contre, le contact avec l'esprit, il est possible de le forcer. Mais là, ça va prendre énormément de. Ça prend beaucoup, beaucoup de. Il faut être dans une situation difficile. C'est des mécanismes de survie jusqu'à un certain point. Au sens, pas la survie au sens nécessairement de survivre, mais au sens d'être sorti des lois de la vie ordinaire par une situation extraordinaire. Puis d'arriver à une vie au-delà de la vie, dans le sens que, si on peut dire, de frôler une surhumanité, si on peut dire. Hein? Top, être en live. Bon, oui, ça donne comme ça. Ben, aujourd'hui, je fais ce que j'avais à faire, là, à part me raser puis me baigner, c'est ce que je vois. Mais ben non, j'ai un petit peu de temps. Je vous dis pas que ça va durer 2 heures, là. Pas certain. Ça m'étonnerait, mais je le sais jamais. Je savais pas que j'allais faire un live. On a eu de la visite, là, j'ai un de mes oncles qui est venu nous voir. Puis à un moment donné, lui, j'y avais demandé, j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, les gens qui se promènent tout seuls dans la rue avec un masque? Puis il m'avait répondu, il dit, d'après moi, c'est pour eux que c'est écrit sur les bouteilles de shampoing de ne pas le manger. Je l'avais trouvé bien comique. J'ai déjà entendu une voix très claire me dire un matin, juste avant de m'ouvrir les yeux, t'inquiète, je vais te sortir de là. Ben oui, ben, je veux dire, laissez par en haut que ça vient, dans le sens que le contact ne se fera pas par un mouvement de l'ego. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas forcer le double à vous répondre, dans le sens, on peut forcer un contact avec l'esprit, mais le double, ça, c'est pas les mêmes mécaniques. C'est pas les. Je t'ai posé une question sur ton nom de vidéo sur le film Matrix 4. Ah, ben, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu le film, mais j'ai pas vu la question non plus. Puis Matrix, je n'ai jamais accroché à ça. J'ai de la difficulté, moi, les. Keanu Reeves, là, disons que c'est pas le meilleur acteur au monde, là. Je suis désolé de dire ça, puis c'est pas des histoires, bon, j'aime pas trop, c'est trop stylisé. Ça s'énerve, là, c'était. Ça brosse pas mal, là. Moi, j'aime bien les petits films, là. Par la suite, j'ai fait un burn-out. Ah, ben ça ressemble étrangement, oui. Ça ressemble étrangement au double. Genre, je vais te sortir de là, mais souvent, ça va passer par une mise en situation très difficile. Donc, parce que les prises de conscience, dans le sens de l'intégration, ça arrive de force. Il n'y a pas, au niveau, là, même psychologique, l'évolution, ça se fait de force, là. Puis même, on ne peut pas parler d'évolution au niveau psychologique, mais bon. Hier, aujourd'hui, ben oui, ça dépend comment. C'est spontané, hein. Je ne savais pas il y a 10 minutes que j'allais faire un live. Ah, dommage, j'aurais bien vu ton regard dessus. Ben non, j'ai pas vu ça. Je suis pas très attiré par le cinéma qu'on nous fait depuis une dizaine de même une quinzaine d'années. Le cinéma est de plus en plus mauvais. Je sais, ben, à mes yeux, là, c'est subjectif, c'est mon opinion à moi, mais je trouve le cinéma de plus en plus mauvais, de plus en plus dirigé, de plus en plus influencé, de plus en plus conditionnant, de plus en plus, en tout cas, de plus en plus soumis à des... Ton son est fort sur les aigus, ça pique les oreilles. Ah, ben moi je ne suis pas très technicien, là. Je ne saurais pas comment... Oui, le cinéma est prévisible, c'est pour ça que c'est pas le fun d'écouter des films avec moi. Parce que ça m'est arrivé là, d'écouter des films avec quelqu'un puis de dire les punchs à mesure là, avant que ça arrive. Les gens n'aiment pas ça. Mais à un moment donné, là, c'est plus du cinéma, c'est des films propagandistes de tout type d'idées et de concepts. Moi, ben, je trouve justement que ça va vers un entonnoir, c'est tout le temps les mêmes idées, les mêmes concepts, la même idéologie. Je ne suis pas fort sur les idéologies. De toute façon, par rapport là, à tout ce qui est le cinéma puis la culture populaire là, en général, c'est normal qu'il y ait un désintérêt à un moment donné. J'arrive même plus à écouter de musique. J'arrive plus à écouter de films. J'arrive plus à écouter de musique. J'ai un désintérêt. Je trouve la musique de plus en plus mauvaise. Je parle de celle qu'on nous sort. Puis bon. On devine toujours la fin. Ben oui. Puis plus il va y avoir de l'intégration, plus tout est prévisible. Et ça va être. J'ai fini à un moment donné par considérer tout divertissement comme une diversion de ma centricité. Donc, ça devient agressant même, à la limite, là. Oui, comme si les scénarios te montraient un possible futur, ben je trouve pas les scénarios très. C'est un possible futur dans la limite du film. Le futur du film. Donc, je sais que c'est quétaine, mais j'aime bien les téléréalités car on peut apprendre de l'humain. Ben, l'humain, si on peut-tu appeler ça on peut-tu s'appeler des humains collectivement encore? Tout ce que j'ai vu des téléréalités, là, j'ai déjà trouvé ça affligeant. Puis, il y a quelque chose là-dedans, c'est toujours le pire de l'être humain qu'on nous montre. Vous savez, là, c'est comme il y a un poste là, que je vois des fois, là, ça fait partie du groupe québécois, puis dedans, il y a la vie à 600 livres. C'est affligeant de voir ça. Le voir, désordre extrême. Puis ça permet de voir aussi les failles de la mécanique de l'âme, c'est-à-dire des gens qui sont trop dans l'émotivité puis qui ont eu des conflits au niveau de failles dans leur passé, puis le mémoriel, il y a de l'énergie de bloquer, vont se construire une prison psychologique et physique pour les protéger, comme finir par peser 600 livres ou habiter un amas de déchets pour se protéger du réel. C'est là que l'âme est retardataire, là, énormément. C'est épouvantable. Mais c'est de plus en plus dirigé, oui. Ils font toujours gagner le gentil en laissant beaucoup de chance. Rien à voir avec la vraie vie. Oui, parce que ça arrive souvent que, bon, dans la réalité, c'est pas les gentils qui gagnent. Pourquoi? Parce que justement, les forces évolutives veulent faire... On évolue par de la souffrance expérimentale. Puis là, je parle évoluer entre guillemets, je parle pas l'évolution avec... un grand E. Donc, c'est la mécanique très lente, très, très lente, très lente, des lois de l'âme, dans le sens que, prenez, comme je disais, je nourris un chou, ces temps-ci, un chou errant que je nourris, puis je sais, j'ai parfaitement conscience les rapports que j'ai avec lui, que le vécu qu'il a avec moi est enregistré au niveau de l'âme collective des chats en général et que lui, en tant que chat, est influencé par la mémoire collective de l'expérience planétaire des chats. Donc, ça devient beaucoup plus facile de comprendre ses comportements, de comprendre ses réactions. Bonjour Steve. Donc, c'est les codes d'écoute qui comptent. Ben, vous savez, La télévision, ce qu'ils vendent, c'est du temps. C'est-à-dire que l'émission est là pour vous divertir, c'est-à-dire en tant que diversion de la présence, pour créer un état second qui va vous rendre suggestible et sensible à l'induction. Et ce qu'ils vendent, la télévision, c'est de vous mettre dans un état second comme ça, où vous êtes perméable à l'influence pour ensuite que les annonceurs vous bombardent de publicité. Donc, c'est ça qui fait vivre les... à part les subventions gouvernementales, car eux, ce qu'ils ont, eux aussi ont quelque chose à vendre. Il s'agit d'une idéologie, une façon de voir. Donc, on est dans du subjectif total, toujours. Avez-vous un groupe d'échange ou de parole dans un réseau ou blog? Non. Non, j'ai jamais fait partie d'aucun groupe. J'ai des gens avec qui je corresponds en privé, mais ça ne constitue pas un groupe. Parce que au niveau d'une dynamique de groupe, au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'esprit de meute, il y a des pièges là-dedans. Puis il finit toujours par se créer à cause de forces justement liées au planétaire animalien expérimental, des structures hiérarchiques, d'influence, des choses comme ça. Puis moi, j'ai pas envie d'être dans une dynamique comme ça. Je veux que les gens soient totalement libres, même de dynamique de groupe inconsciente. Donc, j'ai toujours fui les groupes, mais j'ai des correspondants. Moins de l'hypnose, mais oui. Fusionner avec son double passe forcément par une mise en initiation. Ça fait peur quand même. Oui, mais là, juste la prise de la formation du double, c'est-à-dire qu'il se rapproche de vous. Ensuite, la dépollution du mental. Ensuite, de la dépollution de l'ego, la dépolarisation du mental. Ensuite, la fusion avec le double, c'est beaucoup plus tard. Là. Ça commence pas par ça. Là. Mais ça commence par ça, les mises en initiation, oui, parce qu'au niveau expérimental, pour qu'il y ait une sortie de la subjectivité de l'ego, puis qu'il y ait des cassures de ce qu'on pourrait appeler des programmes, ça prend des chocs, puis ça prend de l'énergie. Puis l'énergie la plus disponible sur Terre, c'est l'énergie de la souffrance expérimentale, qui, en se transmettant, va transmettre d'autres structures. C'est là que, mais faut pas avoir peur. C'est pas... vous savez, là, je soigne une chienne qui a beaucoup souffert en ce moment. Ça me fait un bien immense car elle guérit très bien. Ben oui, parce qu'il y a un échange d'énergie, il y a une fluidité, c'est un contact réel. Hein. Les gens qui ont un mandat par rapport aux animaux le savent. Comme par exemple, je viens à bout d'approcher des animaux de très très très près, là, des animaux sauvages. Ça a tout à fait surpris un peu les gens qui sont avec moi là, souvent. Comme ma dernière conjointe en marchant, je pouvais approcher des petits oiseaux de très très près ou les voir de très très près alors qu'ils ne savaient pas que je les voyais. Je regarde, là, le petit oiseau, il était ici. Là. C'est comme les corneilles sur mes poubelles, je les approche de très très près. Puis après, je leur fais un petit choc là, pour ne plus les revoir dans mes poubelles. Mais je m'approche assez près que je pourrais les attraper. Est-ce que l'esprit peut nous parler? Oui. Ben, ça va prendre la forme d'une parole, c'est-à-dire qu'il y a une énergie, une vibration qui, en entrant dans votre ego, va prendre des formes. Ça va prendre forme. À ce moment-là, ça va être comme quand vous vous parlez dans votre tête, sauf que ce qui va sortir va être inattendu. Vous pourrez, ça ne sera pas lié à un processus mental intellectuel. Ça va être sorti de la mécanique habituelle du réflectif. Donc, j'ai eu beaucoup de contacts il y a 25 ans, mais maintenant, rien. Il y a possiblement une période, si on pourrait dire, de gestation ou une période d'incubation, si on peut dire. Il faut digérer l'expérimental et puis c'est comme, même si l'ego est assoiffé de contact, si ça vient d'en haut, les structures plus hautes vont être dosées. Et il y a énormément d'intelligence là-dedans. Donc, il ne faut pas... Des fois, ça m'est arrivé, je voulais un contact à tout prix où je me sentais isolé dans mon expérience par rapport aux forces. Puis j'étais dans le corps de désir d'avoir Puis finalement, je me décourageais, je mettais tout ça de côté, puis j'abandonnais complètement tout ça, puis je me concentrais sur autre chose, et paf, là, ça se faisait. Parce que j'étais sorti d'un corps de désir à ce niveau-là. Ça, c'est au niveau de mon expérience personnelle, mais c'est du cas par cas, donc. Peut-on se provoquer un début de contact autrement qu'en filtrant ses pensées? Je t'ai envoyé un mail hier sur Outlook pour demander un coup de main en ce sens. Ça fait un bout de temps que je suis parlé sur Outlook. Comme j'étais d'habitude, c'est en début de semaine que j'y vais. Puis finalement, je n'y suis pas allé ni hier, ni avant-hier, ni avant-avant-hier. Donc, habituellement, si je me lève très très tôt le matin, il va aller voir, mais je ne suis pas allé dernièrement. Vous dites, peut-on se provoquer un début de contact autrement qu'en filtrant ses pensées? Ben oui. Mais ça ne viendra pas de vous en tant qu'ego. Dans le sens que ça va être les événements dans votre vie, puis votre façon de voir le vécu en temps réel, qui est souvent qui va engendrer ça. Quoique, l'effet d'écouter quelqu'un qui a une très haute vibration, comme certains enregistrements de Bernard, ça peut augmenter la vibration, dans le sens que ça va être plus facile. Là, vous allez poser une question intérieurement, puis ça va vous répondre. Des choses inattendues, là, c'est pas lié à un processus intellectuel réfléchi. Le problème, c'est que les premiers contacts, c'est toujours avec l'astral, tout le temps. Puis, c'est long avant d'avoir le discernement de qu'est-ce qui est de l'astral. Puis, parce que c'est pas lié à la forme. Ça peut être très, très intelligent, ce qui est dit par des choses astrales. Ça peut même servir. Mais, au niveau du discernement vibratoire, ça prend du temps. Puis même là, moi, je suis pas très avancé, là. Vraiment pas, là, comparé à d'autres que j'ai connus. Bonsoir, Sylve. Bonjour. Donc, comme je disais, le contact, des fois, il va y avoir dans le corps des désirs, tout d'un coup, un désir de contact, mais ça vient d'autre chose. Mais des fois, ça peut être pour ajuster, c'est-à-dire que ce qui vient d'en haut va mettre en condition ce qui est en bas pour qu'un contact se fasse. Ça arrive aussi, mais c'est presque infini. Allez. Se croire, c'est quoi, c'est-tu de l'orgueil? Ben, c'est la différence entre se croire puis se savoir. Il y a ce que je crois à propos de moi-même, par exemple. Il va avoir des mises en situation, des expériences qui vont le désamorcer au fil des années. Alors que ce que je sais sur moi-même, j'ai jamais eu à me le faire défaire. Ben, au niveau là, des forces. Ce que je sais. Puis aussi le discernement de ce qu'on sait et ce qu'on croit. Donc, se croire, c'est quoi? C'est-tu de l'orgueil? Ça dépend ce qu'on entend par de l'orgueil. Ça peut être lié à un mécanisme de protection de l'ego, de la réalité face à lui-même. Il va y avoir une subjectivité pseudo-narcissique, là, si je puis dire, pour protéger l'ego de ses propres failles, parce qu'il n'est pas prêt à, il n'est pas prêt à se voir. Parce que vous savez, on est tous des imbéciles, tous les humains incarnés au fond, d'une façon ou d'une autre. À notre niveau, là, il y a un potentiel extraordinaire chez l'être humain. Mais être un ego, là, quand ça passe à travers une lentille incarnée, c'est ça ce que je veux dire, là, on est forcément des êtres qui, on ne se serait pas incarné sinon. Donc, la condition humaine, vous savez, c'était ça, là, dans les églises, là, prends pitié de nous. Ben oui, on fait pitié. C'est certain qu'on fait pitié. Donc, les gens qui se disent des maîtres, là, ils se font pousser des grandes barbes blanches puis qui se promènent avec un bâton, avec un cristal, là. Ça fait pitié bien plus que, bon, c'est ce que je trouve de pire, là, Bah, je passe mon temps à écouter la Genèse d'Iréel. J'en suis au chapitre 17, mais j'ai fait une pause car je suis à la 63e vidéo. J'ai refait des anciennes vidéos afin de pas t'encombrer. Ben, le mieux, la Genèse, moi, je trouve que c'est de la lire. D'avoir le livre physique. J'ai essayé de l'écouter, puis j'arrive pas. J'y arrive pas, c'est pas pareil. Puis la Genèse, je l'ai lu 5 fois, puis à chaque fois, j'ai eu l'impression de lire un livre différent. C'est pour ça, il y en a qui ont dit, ah, oh, j'ai écouté Bernard, puis j'ai fait le tour. Je vais être franc avec vous, là, Bernard, là, j'ai jamais réussi à faire le tour. Puis ça fait depuis que je suis tout petit que j'entends parler de Bernard. Ça fait juste 12 ans à peu près que j'ai lu la Genèse la première fois. Mais on ne peut pas faire le tour parce que c'est une vibration qui va au-delà de la forme. Donc, je réécoute des fois des choses que Bernard a dites, que j'ai écoutées il y a 5 ans, puis je vois autre chose. Puis à chaque fois que je le réécoute, le même enregistrement, je vois autre chose, pas autre chose, pas autre chose. C'est impossible de faire le tour. Donc, j'habite en campagne et un de mes amis a fait une volière pour oiseaux sauvages. C'est intéressant de voir ça. Tu entres dans l'espace de l'habitacle immobile et le silence, ils viennent. Ben oui. Ben, la vibration de l'être humain. Pourquoi les animaux vont avoir une peur instinctive de l'être humain? Non seulement c'est lié à leur mémoire d'âme, c'est-à-dire leur mémoire collective, inconsciente, mais la vibration de l'être humain est très, très forte. C'est-à-dire quand il y a une alliance de créer, peu importe comment, ça va être très, très fort. Les animaux deviennent vite fascinés par l'être humain. On n'arrive pas à écouter Bernard de Montréal. Ah bon, ben, peut-être que vous pouvez écouter Kemp, Daniel Kemp. Il y a Daniel Ménard, il y a des enregistrements qui ont été mis en ligne dernièrement. Je suis morte et je me suis retrouvée dans le vide interstitiel en conscience et j'ai réalisé que tout ce qu'on connaît n'était que des concepts pour nous permettre de vivre dans la 3D. Moi, ben, vous êtes allé dans l'astral, puis l'astral va essayer de se considérer comme plus réel que l'incarnation. Puis probablement que c'était vu que vous alliez pas être désincarné tout de suite, que vous alliez retourner sur ce plan-là. Donc, c'est subtil, là. Les mondes de la mort est très insidieux. J'ai essayé de la trouver, la Genèse, mais pas possible. Ah oui, c'est un livre difficile à trouver. Vous pouvez le faire imprimer. Bonsoir, ce n'est pas vous qui déclenche le contact, ça vient tout seul. Ben oui. Attention au piège tendu dans la matière, nous sommes soumis aux lois de l'astral, donc sommes soumis aux lois de l'astral, donc beaucoup de coloration. Ah, ben oui, c'est certain, mais c'est lié à au moins notre pensée vivante. Donc, bonsoir, le chat, est-ce que tu pourrais en dire plus sur le genre de conversation que tu pouvais avoir avec ton partenaire de parole à l'époque? Et là là. Oui, j'en parlerai à un moment donné. C'est là, je suis sous la moustiquaire, Navigate s'y trouve. Bon, ben là, et si vous bougez pas trop puis que vous n'avez pas de mauvaises intentions habituellement, les guêpes sont gentils. Tu peux trouver la PDF sur le web. Bon, moi, j'envoie bouler le contact, je lui dis, j'emmerde les forces qui. Ben oui, ben à un moment donné, il va avoir. Une fois que ça fait un bout de temps que c'est établi, ça, là, vous allez finir par envoyer promener. Pourquoi? Parce qu'ils testent tout le temps puis ils envoient de la merde. C'est pour construire le discernement qu'ils font ça. Puis ça marche en plus, ça font. Ben, c'est lent, là, mais sur YouTube, audio supramental, c'est un jeune qui relit les livres. Moi, j'ai entendu dire que quelqu'un pouvait. Pourrais-tu faire la distinction entre force satanique et force luciférienne? Bon. Oui, mais là, c'est parce que je vais être obligé d'arrêter. Je vais parler un bout de temps puis arrêter de lire. Je vais y revenir. Qu'est-ce que la marque de Dan? Ah, ben ça, c'est lié au karma des peuples qui viennent du Nord. Mais on en reparlera à un moment donné. Mais oui, c'est lié. C'est une marque qui est liée au collectif karmique d'un peuple, d'une génétique. L'humour dans le supramental, on n'en parle pas beaucoup. Ben moi, je les trouve tous des clowns, le monde dans le supramental. Daniel Kemp, il était comique, puis Bernard aussi. Les gens rient souvent dans la salle. Ben, moi, je trouve qu'il y en a pas mal. On est une gang de clowns, bien ben plus comique que ceux qui nous gouvernent. Il y a un PDF de la Genèse. Bonjour. Bon, la différence entre les forces sataniques puis les forces luciférienne. Les forces sataniques sont liées à l'expérimental planétaire, beaucoup. C'est un palier qui est lié à l'enregistrement de la mémoire puis de l'expérimental, beaucoup, puis notamment le monde de la mort. Tandis que les forces luciférienne, c'est un palier plus haut. C'est-à-dire que les forces luciférienne vont essayer de récupérer les gens qui sortent, qui comprennent le jeu de la mémoire subjective, expérimentale, planétaire, entre autres. Puis on est à un niveau de domination plus élevé. Ça devient plus subtil. Puis aussi, c'est lié à de l'expérimental de gens qui sont initiés à ce qui est l'expérimental planétaire, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont travailler consciemment ou pas pour les forces sataniques, mais ceux qui travaillent pour les forces luciférienne, c'est toujours sciemment à un autre degré. C'est moins inconscient, c'est plus dans, c'est ce qui va récupérer, ce qui tend à devenir créatif, les forces luciférienne, tandis que les forces sataniques vont gouverner à travers les sens, les instincts, la mémoire, l'émotivité. C'est plus rattaché, si vous voulez, aux forces de l'âme, les sataniques, tandis que les forces luciférienne, c'est dès que vous avez dépassé certains paliers liés à l'âme. C'est ce qui va récupérer par rapport au contact avec l'esprit, par exemple. Les gens vont être attaqués à ce niveau-là. Donc, c'est pas le même niveau de. Il y a un PDF. Maîtrises-tu l'énergie cosmo-tellurique? Non. Ben non. Pourquoi? Je suis pas dans la quête de pouvoir de maîtrise, moi, là. Je suis pas un maître de rien. On est tous des marionnettes. C'est juste qu'à un moment donné, on peut intégrer de la conscience au sens de. On peut, comment je pourrais dire, voir les fils puis choisir nos marionnettistes, mais là, pas un choix au sens du libre arbitre. Mais maîtrises-tu l'énergie cosmo-tellurique? Ça dépend ce que vous voulez dire par ça. Parce qu'à mes yeux, la maîtrise, il faut qu'elle soit interne. Toute maîtrise liée à de l'externe va être une compensation, comme les maîtres. Ceux qui se disent des maîtres, là, comme ça finit toujours, d'ailleurs, ils s'enlisent, puis comme si vous regardez le channeling dans les années 80-90. Ça finit tout le temps par s'embourber dans de la désinformation. Puis dès que la personne va avoir de l'attention, puis se prendre au sérieux, là, elle va canaliser des choses, puis pas nécessairement le voir, pas le. Donc, la pandémie, donc, serait le résultat à la fois des forces sataniques et luciférien. Ben oui, le satanique est à la solde du luciférien. Toujours, c'est une hiérarchie inversée. C'est lié le cloisonnement expérimental planétaire, le fait qu'on est en quarantaine jusqu'à un certain point. Mais c'est pas parce que vous êtes dans une prison pour un temps, pour des raisons karmiques, que vous pouvez pas avoir de visiteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ben oui, le satanique est toujours est assujetti au luciférien. C'est des forces qui travaillent de concert. Un concert, ouais. Ben oui. L'autre, là, la madame, elle m'intrigue, là. Je pense que ça doit être une dame, ça. Les forces cosmo-telluriques. Non, je pense que c'est un monsieur. Maîtrises-tu l'énergie cosmo-tellurique? Je suis curieux de savoir ce que vous entendez par ça. Parce que l'énergie cosmo-tellurique, par définition, c'est pas un ego même incarné. Il va pouvoir avoir une certaine maîtrise à son niveau. Mais c'est très vaste, là. Si je maîtrisais l'énergie cosmo-tellurique, il ferait déjà plus froid dans ma région. Tu ne réponds pas bonjour à Trajan. Je ne l'ai pas vu. Il est là, monsieur Trajan. Ah, bonjour, monsieur Trajan. Je vous avais pas vu. Ça part, ça défile vite. Est-ce que le satanique et le luciférien ne travaillent pas, en fait, pour plus haut? Ben oui. C'est là où ça devient. C'est là où, vous savez, anciennement, comme par exemple les mystiques. Prenez les mystiques chrétiens. Il y en a qui allaient appeler, il parlait du diable comme celui qui met à l'épreuve ou le tentateur, celui qui sert à tester. Puis à un moment donné, ça m'avait dit, la souffrance de l'homme est probatoire, c'est-à-dire pour vérifier un niveau ou pour que l'ego se voit lui-même. Je sais pas si vous. On se plaint beaucoup. Notre souffrance est épouvantable tant qu'on est un ego, mais si on regarde ça des plans, on verrait que, bon, c'est une game, hein? C'est un jeu comme, mais c'est pas un jeu toujours. Serais-tu confirmé que le prochain blackout est prévu en décembre 2028? Je pourrais pas dire non. D'ailleurs, je reçois rien à ce niveau-là. Puis, je suis pas fort, surtout quand ça m'est arrivé de faire comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, des prophéties. Mais c'est à mon niveau, à moi, donc ça vaut ce que ça vaut, là. C'est pas. Je ne suis pas un prophète, moi, là. Depuis quelque temps, l'astral virtuel se mélange avec ce monde. Ça vient de moi ou l'avez-vous aperçu? Ben, je vois que ça veut se cristalliser, notamment à travers la technologie. De toute façon, l'astral s'est toujours servi de la technologie. Dans le sens, par exemple, quand les guitares électriques sont arrivées, ça n'a pas été pour se faire introduire dans des orchestres philharmoniques, là. C'est devenu à la mode par rapport à ce qu'on a appelé en Amérique le rock, puis le rock and roll, qui est une musique très très proche des instincts animaliers. D'ailleurs, rock and roll, c'est de l'argot de certaines régions du sud des États-Unis. Mais si vous regardez le rock and roll, au début, ça a été lié au gospel. Comme si vous connaissez Sister Robert, Madame Tarp, là, la vieille Madame Noire qui jouait de la guitare électrique. C'était du gospel. C'était pour le Seigneur qu'elle faisait du rock. Mais il y a quelque chose de libidineux au niveau des mystiques, inconscient. C'est pas pour rien que les religieuses disaient que c'est Jésus, c'est leur mari. Puis là, en prononçant des vœux, ils se font mettre une bague comme ça se mariait. Puis, hein? En tout cas. Mais c'est proche encore de l'animalier planétaire. En tout cas. On le voit, ça paraît. Donc. Ça fait plaisir depuis quelque temps. Oui, peux-tu faire la distinction entre les types d'initiation astrale éthérique autres? Ah, ben là, les initiations astrales, c'est comme les initiés du passé, ou même les schizophrènes, je considère qu'ils vivent des initiations astrales. Tandis que les initiations éthériques, là, de voir d'autres plans, de vivre des choses par rapport à l'éther, qui est une porte vers les autres plans, entre autres, parce que c'est un peu comme, vous savez, dans une maison, il peut y avoir différentes pièces, mais le même air va se promener d'une pièce à l'autre, plus ou moins. Il va avoir ça en commun, qu'il y a de l'air dans chaque pièce, mais la pression ne sera pas nécessairement pareille dans chaque pièce. Et puis, donc, l'éthérique va toujours être lié à une intégration de lois qui peuvent être vérifiées dans le matériel, ou d'expériences qui vont laisser des traces, mais pas au sens, comme on a vu, des initiations astrales, comme des gens qui ont eu qui ont pu photographier des densifications, des choses comme ça. Les initiations à l'éther vont être liées à des sorties de corps qui ne sont pas astrales, c'est-à-dire que vous pourrez vérifier après dans la matière ce que vous avez vu. Vous ne serez pas dans un décor qui est une copie de la matière au niveau de vos sorties, entre autres. C'est très vaste, là, ces choses-là. Les prophéties, c'est gazant, je trouve ça inutile, moi aussi. Parce que pour bien intégrer l'expérimental, il faut apprendre à être créatif en temps réel. Puis, si on est au courant d'avance, on n'a pas la possibilité d'être créatif en temps réel, on se met à avoir des appréhensions, puis on retombe dans un certain esprit d'appréhension. Donc, c'est pas pareil, là. Mais ça peut servir. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce que les pendules sont une autre arnaque de l'astral? Ça peut. Parce que tout ce qui pourrait être intégré au niveau tellurique va être tellurique ou éthérique va être récupéré par l'astral. Donc, il y a des gens qui ont fait des expériences avec des pendules où ils soignaient des gens avec des pendules, puis se rendaient compte qu'ils rendaient des gens malades dans leur entourage parce qu'ils ne maîtrisaient pas les lois de transfert. Donc, c'est astral si vous faites des expériences, mais que vous n'intégrez pas les lois, puis vous vous rendez compte après coup que vous ne saviez pas avec quoi vous jouez. Il faut que l'intégration au niveau de la conscience soit intégrale, au sens d'une conscience intégrale. D'être trop à tâtons, c'est toujours récupéré par l'astral. C'est toujours. Puis ça va servir à créer de l'expérimental. Ça va servir à créer des situations des fois souffrantes. Donc, mais il y a des gens qui ont retrouvé des corps avec des pendules. Puis jusqu'à un certain point, ça reste une science liée à l'éther parce que c'est lié au vibratoire, entre autres. Puis à des lois de sympathie. Donc. Y a-t-il des morts qui réalisent les forces sataniques derrière leur désir de parasitage et qui décident de faire autrement? Ben oui. Ça me dit que oui. Mais intérieurement, ça me dit que oui. Ces morts-là entreront plus en contact avec les vivants, puis ils vont aller à un autre palier par eux-mêmes où il va y avoir une gestion à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans ces mondes-là, il va y avoir Vous savez, là, ce qu'on appelle, entre autres, là, des transports séraphiques, ce qui peut faire changer de plan. Donc, on peut sortir de l'astral, mais comme c'est de la mémoire morte dans l'astral, c'est juste qu'ils vont arriver à une incapacité de faire ce qu'ils faisaient. Donc là, ils vont être transférés. Je le vois comme ça. Serais-tu disposé à poursuivre ton évolution sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années? Ben, moi, je suis très faible, hein, vous savez. Si demain matin, là, je tombais milliardaire, je pense que j'arrêterais d'évoluer, puis je m'enfermerais dans mon domaine, puis pour m'amuser à jardiner, puis je suis pas un saint, là. J'en suis parfaitement conscient de ça. Dans le sens que moi, je suis forcé à m'intéresser à ces choses-là. J'ai toujours été forcé. Je n'avais pas envie de faire ça. Puis, si demain matin, j'étais plus confronté à de l'expérimental comme je le suis, ben, probablement que je tomberais dans une sorte de, pas de torpeur, mais de, moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est avoir la paix, puis faire mes affaires tranquilles dans mon coin. Puis c'est un de mes défauts. Ben, j'imagine que c'est ça pour beaucoup de monde. La conscience et la sensibilité du fonctionnement du corps avec la Terre et le cosmos. Je dirais pas que c'est ça la conscience. Il ne faut pas tout confondre là. Qu'est-ce qui détermine quand un mort parasiteux peut enfin retourner dans l'arène du vivant s'incarner? Ça, je vais être franc avec vous, je le sais pas. Mais c'est sûr que si je prenais un papier et un crayon, puis il m'arriverait de l'instruction à ce niveau-là. Mais il faudrait que ça vienne de ce plan-là. Donc, on peut tout le temps se méfier des autres. Fait que ta vie varie-t-elle selon la vibration, la fatigue? Oui. Mais je parle pas juste la vie physique, là. Ma vue en général. Donc, tout ce qui vous détourne de vous-même est une arnaque de l'astral. Oui, mais ça dépend du vous-même dont il est question. C'est multidimensionnel, le vous-même. Hein? Donc, oui, vous avez. Ah, bon. Comment maîtriser son corps éthérique? Comptes-tu que si on le maîtrise, on peut plus facilement aller se promener dans l'astral? Moi, je n'ai pas de maîtrise du corps éthérique. Je n'ai jamais réussi à faire une sortie éthérique. Je me suis promené en masse sur les plans. Par rapport à en astral, entre autres. Puis même là, je cherche plus à faire ça. Puis ça m'intéresse plus vraiment. Mais j'ai pas une maîtrise de l'éthérique. Je suis capable de canaliser de l'information sur l'éthérique, mais j'ai pas de. Je sais que j'ai un corps éthérique, mais j'ai pas la maîtrise de. De toute façon, quand je sors de. Je suis dépersonnifié, puis je sors de mon ego, j'ai plus les mêmes. J'ai plus les mêmes intentions, j'ai plus la main. Je sors de la personnalité. C'est ma personnalité qui voudrait se promener en éthérique. Puis je n'ai pas accès à ce niveau-là. Avoir conscience de l'énergie sacrée. Ben là, vous voulez dire quoi par le sacré? Parce que les notions de sacré sont liées aux mémoires spirituelles de l'humanité. C'était, quand on disait que quelque chose était sacré ou tabou anciennement, c'était lié à une hauteur de vibration que l'ego n'était pas capable d'intégrer, puis donnait cette dénomination-là souvent. Donc, tu sais, c'est un langage spirituel que le jardinage n'est pas évolutif, pas à mes yeux. Ben non. Ça dépend. Ça dépend. Si vous cultivez un champ de potes, là, peut-être. Si vous cultivez du pavot en Afghanistan, là, du jardinage involutif, ou si vous êtes dans une serre industrielle qui produit des cocombes transgéniques là, pour les vendre selon des spéculateurs, là, on peut dire du jardinage involutif. Mais le jardinage, c'est le propre de l'homme. Dans le sens, c'est vous savez ce qui est écrit dans la Genèse, là, l'homme a été mis dans cœur d'un jardin, puis non, ça peut aller loin, ce qu'on veut dire par là. Doit-on mettre un léger contrôle pour l'écriture automatique? Non, faut cesser de penser. Moi, c'est par surtout des figures géométriques que je fais d'une façon automatique. L'écriture automatique, c'est automatique. C'est pour ça le contrôle. Non, je dirais que non, là. Moi, en tout cas, j'ai jamais mis de contrôle. mais il faut l'exercer souvent. Ça fait longtemps, moi, que j'ai pas. C'est un de mes correspondants qui me forçait à en faire, là. Vous souvenez-vous de vos rêves? Ben oui. Ce matin, j'ai rêvé que j'allais sur une plaque rocheuse, un plateau rocheux sur le bord d'une rivière et je sautais sur mes talons pour me dégager de fils qui me reliaient à des choses que je voulais me débarrasser. Ça, c'est mon rêve de ce matin. Donc, que je me souviens, celui que je me souviens de la nuit. La paix, la sensation d'amour absolu que les gens qui expérimentent les NDE, c'est du haut astral en grande partie. Mais c'est lié aussi à de la programmation pour qu'ils puissent continuer leur vie avec une certaine foi qui est une grâce, c'est-à-dire une certaine conscience, une certaine confiance aussi en les lois de la vie. Mais c'est pas mauvais, je le vois pas comme mauvais. Ça peut être l'astral, c'est pas juste du mauvais, là. Il va falloir s'en dégager. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous êtes sorti de la petite école pour aller à des études plus supérieures, c'est la même chose. Et c'est pas parce qu'il y a du mauvais dans l'astral que c'est tout. Ça a été nécessaire. Okay. Selon vous, est-ce que la masse va s'habituer graduellement à l'esclavage et la surveillance sous le nouvel ordre qui s'établit sous nos yeux? J'ai peur que la colère ne vienne pas. Bon, on constate que ça ne vient pas. Et c'est là qu'il y a un tri. Il y a un tri. Donc, mais c'est lié à des mécaniques planétaires. Donc, l'esclavage et la surveillance, les gens, ils veulent se faire dire quoi faire, qu'est-ce que. On est une planète d'enfants, là, ici. Les enfants veulent se faire dire quoi faire. Donc, il va toujours avoir une majorité qui est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est toujours une minorité qui fait l'histoire, au fond. Qui défait l'histoire, j'irais dire. Souvent, les êtres supramentaux parlent de lois. Est-ce que des lois cosmiques universelles, quelles sont ces lois? Ben, c'est les mêmes. Les lois, c'est des lois. C'est la même chose qui fait que, comme les lois de la gravité, par exemple, les lois de la thermodynamique. Chaque plan a ses lois. Et ça veut dire. Le plan mental aussi, le corps émotionnel a ses lois, le plan de l'âme a ses lois, le plan de l'esprit a ses lois, comme le plan matériel a ses lois. Et une conscience intégrale, ça devient une façon d'intégrer ces lois-là. Si on sait comment ça marche, les programmes, on peut dire, c'est des programmes dans le sens que ce qui fait qu'il y a des lois de gravité sur Terre, c'est lié à des lois automatiques autorégulées. Donc, puis, bon, vous faites de l'écriture automatique. Moi, j'en ai fait une mauvaise expérience. Ben, ça dépend ce que vous êtes en contact avec quoi. Ça peut être une très mauvaise expérience. Aurais-tu un petit tuyau à donner qui aide à aller se promener dans l'astral? C'est facile pour toi. Ben, j'ai pas envie de vous donner des trucs pour aller vous promener dans l'astral. Parce que moi, finalement, ça m'a pris des années à pas vouloir y aller, à plus vouloir y aller. Puis vous y allez de toute façon. Vous y allez. C'est certain que vous allez dans l'astral parce que c'est lié à la mémoire collective, expérimentale collective. Donc, chaque fois que vous faites un rêve, même si c'est inconscient, vous ne vous en souvenez pas, vous y allez d'une certaine façon. Des fois, c'est des rêves égrégoriels. Il y a des images qui s'entremêlent puis qui construisent des choses. Mais d'autres fois, c'est certain que vous y allez. Donc, puis le corps de désir d'aller dans l'astral, il y a un problème. Je n'ai pas envie de donner des. Je comprends, là, parce que j'ai déjà eu. As-tu souvenir d'avoir parasité des humains dans l'entre-deux-vies? Moi, je fais quelquefois des rêves qui ressemblent à ça. Non. Non, je n'ai pas souvenir d'avoir. J'ai des souvenirs d'avoir été. Des fois en observation d'humains, alors que moi-même, j'étais pas dans un corps, mais c'était pas du parasitage. Donc, Freud aurait dit que votre rêve de ce matin est sexuel. Ben, c'est certain, parce que Freud, c'était quelqu'un qui ramenait tout à ça parce qu'il y avait des gros problèmes. Dans le sens que Freud projetait son expérience sur toute l'humanité. Et Freud a subi des traumatismes infantiles. Notamment, là, si vous lisez la correspondance de Freud, il y explique que son père était un pervers et qu'il avait abusé de lui, de ses frères et sœurs. Donc, à un moment donné, Il s'est demandé si les névroses n'étaient pas dues à des traumatismes de ce genre-là, mais il a fini par penser que tous les pères étaient comme ça. Et Freud est devenu une pollution. Une pollution. Et c'est pour ça que vous avez des gens comme, comment est-ce qu'elle s'appelait, elle, là, la dame, là, la française, là. Voyons, c'est quoi son nom, elle, la psychanalyste, là, qui était allée dire que toutes les petites filles qui se faisaient violer par leur père, au fond, inconsciemment, étaient consentantes et qu'elles étaient bien contentes de narguer leur mère. Ça aboutit à ça, Freud. Et il y a une erreur monumentale chez Freud, qui l'a fait, pourquoi? Parce que pour se protéger lui-même de sa propre expérience lorsqu'il était enfant. Parce que le père de Freud est un pervers qui forçait ses enfants à lui faire des fellations. Donc, moi, Freud, là, puis même Jung, là, à un moment donné, lui, on a fait le tour, puis on comprend, puis on voit, puis on sait, puis il faut aller plus loin que ça. Parce que là, bon, j'ai perdu du monde. A-t-il hein, les humains? L'astral recyclé en énergie vitale s'en servir comme tremplin ou parade, par exemple. Et à recycler des. Oui, ben oui, l'astral, c'est du recyclage. C'est comme un entrepôt. Puis, vous savez, dans un. C'est comme un dépotoir, même, je dirais. Il y a encore des choses qui sont bonnes, mais il y a encore beaucoup de. Eh bien, décidément, depuis le 11, tu avais dit qu'il se passerait quelque chose. Ben oui, mais là, ça dépend pourquoi, de quoi vous parlez. Donc, connexion à la mémoire génétique, avoir la glande pinéale purifiée par une alimentation. Françoise Dolto, c'est elle. Je viens d'en revoir. Elle, là, c'est une. En tout cas, elle avait des gros problèmes, je pense. Puis, même là, le problème, c'est d'essayer de ne pas polluer les autres. Puis, c'est ça qu'elle, puis Lacan ont fait, entre autres, puis ça part de Freud, et puis bon. Mais ça a servi. L'inconscient existe. Il s'appelle l'astral. Connexion à la mémoire génétique. Avoir la glande pinéale purifiée par une alimentation très saine adaptée à nos intestins. Deuxième cerveau, donc maîtrise des énergies subtiles, harmonie avec les plans. Moi, je dirais que le deuxième cerveau, c'est le foie. Mais ça, c'est lié à. Je suis encore parasité, là, peut-être par la théorie des humeurs. J'aimerais retourner dans l'astral consciemment car j'ai un rêve lucide inachevé. Ben, plus vous allez être lucide dans la réalité. Oh oui, il y en a qui me l'écrivent de le toit, je l'ai retrouvé. Peut-être au moment où vous l'écriviez, mais je ne la voyais pas. Donc, pourquoi aller dans l'astral? Tout l'astral voudrait être incarné. Pourquoi vouloir faire un rêve lucide quand on n'est même pas capable de l'être ici, ça? Plus vous allez être conscient dans votre vie de tous les jours, plus vous allez l'être en dormant. Donc, à ce niveau-là, ça doit partir d'ici. L'astral, c'est pas en haut, il faut le voir comme en bas du plan matériel. Même si, bon. Il y a Jung avec les 72 archétypes, les programmes générés, représentés avec des paquets de paires d'ailes dans les. Ben oui, puis vous remarquerez que ça rejoint la cabale, c'est les 72, là. Puis ça rejoint même le mysticisme taoïste. Jusqu'à un certain point. Mais c'est des formes qu'on met sur des. Mais derrière, c'est parce que l'ego humain est subjectif, puis il y a la mémoire collective, et puis bon. Si c'est une planète d'enfants, qui sont les adultes? Ah, ça, c'est intéressant. Il va falloir que l'être humain rencontre ses parents un jour. On le saura là. Eh bien. Après accès au contact, quand tu avais dit qu'il se passerait quelque chose, ben, il faut qu'il se passe quelque chose. On n'est pas pour. Sinon, ça donne quoi? On sert à. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? C'est déjà derrière. Aimes-tu la mer, la forêt? Ou tu te sens-tu le mieux sur la planète? Moi, c'est la forêt boréale que j'aime le plus. Les grandes forêts de conifères. Très austères, là. Très, très nordique, c'est ce que j'aime le plus. Mais j'ai de la misère avec la chaleur, donc ça fait que Freud, ça fait qu'on donne tellement d'importance à la sexualité comme si c'était là que se trouvait l'identité. Ben oui, mais si c'est ça, si on regarde ce qui est en haut à travers des forces planétaires animaliennes, tout est déformé là. puis on ramène tout à l'animalité dans l'homme, puis c'est ignorer la multidimensionnalité de l'être humain. Donc, là, vous voyez les 72 noms de Dieu dans la Kabbale qui sont des formulations numériques derrière lesquelles se cachent des lois d'une science qui n'est pas encore intégrée. Donc, ce sera intégré un jour. Peut-être pas tout de suite. Qui est la meilleure psychologue du Québec? Non, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. C'est pas moi. De toute façon, les psychologues, le temps où j'étais plus jeune, j'ai eu affaire à des psychologues, ils avaient tendance à mon contact, à faire des cancers, des dépressions. Ils se rendaient. Finalement, ils n'arrivaient pas à. Ils comprenaient ce que je leur disais, puis ils n'arrivaient pas à trouver. En tout cas, j'étais un défi, je pense. Puis finalement, j'ai fini par comprendre que ben, c'était des enfants, que la psychologie, c'était. Le psychologique, c'est très, très restreint. Le plan psychologique n'est pas tout. Donc, tout change. J'ai fait une relecture de tes interventions de 2020. Qu'est-ce que ça a changé? Je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas où vous voulez en venir. D'archimiste. Tous les moments, il se passe quelque chose. Ben oui. Ben, disons qu'il y a des moments plus intenses que d'autres, mais de toute façon, il ne faut pas être dans le. C'est tout le temps pareil, mais ça change. L'énergie n'est pas à la même place tout le temps. As-tu une expérience de voyage séraphique? Non. Ben non. Ben non. Pourquoi j'ai jamais changé de plan au niveau. Je serais désincarné de la matière, là. Ou je serais transfiguré. Donc, vous savez, là, les transports séraphiques, on n'embarque pas là-dedans comme ça, avec le corps échangé. En tout cas, il n'y a pas de. Ben, il se passe quelque chose, là. Dans cette intervention, sujet libre de l'année 2020, tu disais que tu encourageais à te confronter, te mettre en vibration, à faire des lives. Ben, c'est ça que je fais. Je fais des lives. Mais il faut que ça soit enregistré dans le sens que. Puis je me souviens pas à quoi tu fais référence parce que souvent je fais un enregistrement puis je m'en souviens plus après. Y a-t-il un bouton pour juste changer de game? Parce que si c'est une game, il doit y avoir. Ben non, c'est pas une game dans le sens. C'est pour ça que j'haïs cette culture-là des kicks. Ça vient. Ça. Non. Donc, le bouton, on a des centres, vous pouvez peser dessus si vous voulez. Mais c'est pas comme un jeu. Tu fais quoi comme boulot en ce moment? Ben là, je perds de l'argent. Je passe de l'argent que je perds. Ben non, j'en récupère toujours, mais je suis surtout à ça, là. L'argent que j'ai d'accumulé, je le promène au niveau de valeur mobilière. Puis ça crée un petit revenu, puis c'est correct. Je suis correct. Ça va bien de ce côté-là quand même, mais là, il y a des fois, ça va moins bien que d'autres. Bon. C'est ça qui. Ça, c'est une game. La psychologie, c'est ouvrir des portes sans fin qui mènent à des portes sans fin. Ouais, c'est parce qu'on tourne en rond avec les mêmes portes dans la même maison. Puis on pense, tout se redécore à mesure, puis on ne se rend pas compte que c'est les mêmes. Cette colère mentale, c'est canaliser tout ça en une forme de paix. Je ne sais pas. La colère mentale, moi, je l'ai tout le temps. D'ailleurs, ma vidéo du 11, j'étais très, très en colère. Hier, j'étais très en colère. Est-ce que tu crois que nous sommes en fin de cycle? Ben, j'ai pas, je ne le crois pas, je le sais. La Terre fait un reset à tous les. 300, ça. Oh, ça, là, j'embarque pas là-dedans. Moi, c'est selon des cycles de 26 000 ans. Donc, tout ce qui est arrivé par rapport, c'est nouveau, ce que je vois ça du monde, il me parle 300, 350 ans. 350 000 ans, ah! 350 000 ans, c'est pas des cycles au niveau des races racines, là, 350 000 ans. C'est au niveau carrément de la mise en place des planètes en tant que terrain expérimental pour des races racines successives. Là, on est pas mal plus. C'est un petit peu gros, là. Au niveau d'ego humain, on n'a pas vraiment à s'occuper de ça. Je suis là pour te mettre la couleur par la coloration. Quand tu as dit qu'il se passait quelque chose le 11, ben, ça a remis à plat les compteurs. Bon. Ben là, pourquoi pas? C'est mieux d'avoir un char qui n'a pas trop de millage. Est-ce que jouer aux jeux vidéo est aliénant? Moi, je considère que oui, mais ça peut servir à. Ça dépend, là, votre relation à ça. C'est comme n'importe quoi. Prendre un verre de temps en temps, c'est pas mauvais, mais si vous buvez tous les jours, une personne totalement prête intellectuellement à être confrontée dans la vision du réel serait comme un genre d'électrocution éthérique. Attendez, il faut que je le regarde. Une personne totalement prête intellectuellement. Comment être prêt intellectuellement? C'est ça, là. Il y a quelque chose qui est paradoxal, là. Parce que c'est pas l'intellect, ces choses-là. C'est pas lié tant que ça. L'intellect bloque ces choses-là. Donc, être prêt intellectuellement, ça serait d'avoir créé une objectivité expérimentale intégrale qui permet de sortir de l'intellect avant. Donc, tu parles de clair de ton temps à jardiner après le trading. Ben non, il fait trop froid ici. Ça fait longtemps ici qu'il n'y a plus rien qui pousse, là. Ça fait plusieurs mois. Puis même là, j'ai délaissé un peu le jardinage dernièrement. Puis, je me suis adonné à d'autres affaires. J'ai eu un petit emploi au nord, pas longtemps. Mais je suis aussi proche aidant. Puis, ça me prend un peu de mon temps. Tu l'as tout le temps, mais là, c'est de l'autorité diffuse, cette lentille qui perce la coquille, c'est pas extériorisé. Ah, je sais que je fluctue beaucoup, mais comme je ne veux pas toujours souvenir de. Ma mémoire est très, très. Comme ce matin, j'ai mis à dégeler quelque chose pour le repas du soir, puis j'avais déjà mis à dégeler quelque chose la veille, puis je ne l'avais pas vu. Puis j'en avais aucun souvenir. Puis. C'est pour ça que je vais être porté à suivre des horaires rigides parce que même s'il y a une certaine spontanéité dans ce que je fais, je m'admets des structures quand même parce que j'ai pas la mémoire. J'ai de la difficulté, par exemple, je me force, hein, à manger 3 repas par jour à des heures fixes parce que sinon j'oublierais de manger. Donc, tu es dans la période où tu dois te permettre de pouvoir dire n'importe quoi pour t'exercer. Ben, c'est sûr, oui, ben, le public doit s'en rendre compte. J'ai remarqué que les enfants, ça te touche particulièrement, comme si tu savais que tout ça est supposé arriver, mais que ça te faisait crissement de la peine. Ben oui. Ben, je me souviens, moi, de mon expérience en tant qu'enfant, puis si je me replace dans le contexte de maintenant, j'aurais encore plus de souffrance. Donc, ouais, je trouve ça plate qu'on en soit encore là, à être obligé de. D'évoluer puis de transmuter de force par de la souffrance expérimentale. Puis que ça s'accentue, ça. Dans 4 mois, 2 semaines et 3 jours, tu seras tanné de faire des lives, peut-être. C'est bien possible. Ben, là, des fois, je suis sur le bord de. Comment voyager dans le temps, selon toi? Ben, par l'esprit. Le temps est une perception, entre autres. Plus votre esprit travaille rapidement, plus le temps ralentit dans votre perception. Parce que la perception est un véhicule. Ça rejoint un peu la physique, là. Non? C'est vrai qu'au Québec, on peut voir des ours dans les jardins. Oui, mais ici, je suis en pleine ville. Quoique, il y a des ours qui peuvent se promener en ville. Mais des ours, j'en ai vu plusieurs fois. Et puis à chaque fois, ça a été une rencontre extrêmement joyeuse. Je n'ai jamais eu de problème avec les ours, qui sont des grosses bêtes apeurées. Puis souvent, les gens qui se font attaquer par des ours, c'est tout simplement lié à une incompréhension. Comment je pourrais dire ça? C'est un incident diplomatique entre deux mondes. Tout simplement. Peut-on transmuter sans souffrance expérimentale? Ici sur Terre maintenant, non. Il semblerait que non, mais il va y avoir de la souffrance qui va changer de palier. La souffrance vibratoire, ça reste une forme de souffrance expérimentale, mais au moins, il n'y a plus de psychologique. Toi qui aimes la bouffe, j'en suis aussi. Check la méthode pour te faire pousser des champignons. Moi, j'ai déjà regardé ça. Je voulais suivre une formation pour les champignons, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Mais les champignons qui m'intéressent le plus, je ne peux pas avoir les spores ici. Comme les crinières de lion, là, les champignons crinières de lion, bon, en tout cas. C'est pas grave, là. Mais non, ben j'aime, oui, la nourriture parce que je suis obligé de me créer un. Faut que je le mette, hein, le plaisir dedans, parce que je ne l'ai pas. J'ai pas le plaisir. Comment je pourrais dire ça? J'ai pas le plaisir normal de manger, dans le sens qu'il faut que j'en fasse quelque chose d'intéressant. Ou que je me force à manger comme une obligation presque. Donc, mais j'ai toujours eu un intérêt pour ça parce que j'ai travaillé dans l'hôtellerie, tout simplement, entre autres, là. Puis, donc, bon. C'est plutôt les systèmes nerveux et endocriniens qui doivent renforcer et neutraliser afin de supporter le réel à travers le mental. Ça, c'est très intéressant. Oui, le système nerveux, il n'y a pas de mots pour dire son importance. C'est pour ça que j'ai jamais été adepte, par exemple, autant d'exercices par rapport à la musculature qu'à d'exercices par le renforcement des réflexes et des nerfs. Puis aussi, les exercices par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'interne, à tout ce qui renforce, qui affine le système nerveux, mais tout en le renforçant. Parce qu'avoir un système nerveux trop fin, ça peut faire en sorte que la perception, on n'a plus de contrôle dessus, puis c'est une agression constante. Et puis, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, oui, il y a quelque chose là-dedans il m'arrive les mêmes choses et j'oubliais de manger tout le temps, plus après avoir souffert d'anorexie. D'anorexie, vous voulez dire, chronique en souffrant que cette chair. C'est que, incarnez-nous. Moi, ben, des fois, comme surtout le contact avec l'esprit, on parle de la notion du temps. Donc, on mange pas, on s'en rend pas compte. Jusqu'à ce qu'on se met, à un moment donné, je me mettais à trembler, je me voyais, qu'est-ce que j'ai, puis là, je me rendais compte, le corps. Puis, il y a moyen, hein, de. Moi, j'ai déjà eu des dialogues avec. Mon corps matériel, je sais que ça peut sembler fou, là, mais même mes organes internes, je me rappelle à un moment donné, ce qu'on appelle les intelligences viscérales. À un moment donné, j'essayais justement, quand j'étais intéressé à faire des exercices de décorporation, puis à un moment, j'avais des gargouillis étranges, dans le sens que c'est comme si mes intestins se révoltaient contre cet état-là. Tout le reste du corps était très calme, mon cœur battait moins, mais les intestins, puis ils se mettaient à. C'est parce que j'avais probablement une digestion à faire, puis ça me disait, je percevais, je laisse-nous travailler. C'est plus tard que je me suis dit, ce ne serait pas les intelligences viscérales. Mes viscères voulaient continuer leur travail. Pourquoi pas? Puis finalement, j'ai fini par le voir comme ça. Les fascias, mais c'est quoi ça? Sommes-nous déjà dans un carrefour dimensionnel, donc nous perdons très rapidement l'ancrage. Ben, c'est un terminal, l'incarnation. Au sens, ici se recoupent tous les plans. C'est l'aéroport interplanaire, le plan matériel. Donc, toutes les intelligences sont liées au plan. Je veux dire, même les entités éthériques considèrent le plan matériel comme extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait ici a des répercussions sur tous les plans. C'est ça, être au milieu du jardin. L'homme a été mis au milieu du jardin, donc. Ce qui permet une récupération si ça dure trop longtemps. Ah, c'est par rapport à. Ben, de toute façon, il faut récupérer l'énergie. L'être humain n'intègre même pas sa propre énergie. Il en perd en réfléchissant intellectuellement. Il perd de l'énergie. C'est pas normal d'être fatigué à cause d'un effort intellectuel. Il y a quelque chose là qui. Est-ce qu'il y a des amis avec lesquels vous vous appuyez énergétiquement? Oui. Ben oui. Mais c'est tous des correspondants. On perd la notion de tout. Je tremblais aussi. Et commençais à souffrir. C'était vraiment encore de la mémoire de martyr. Ouais, ben, il y a une tendance à l'ascétisme chez l'être humain, comme s'il fallait. Il n'y a pas moyen d'être agréé autrement. Puis, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis révolté contre toute forme d'ascétisme. Puis, finalement, ce qui pourrait être vu comme de l'ascétisme chez moi, comme par exemple, je dors par terre et puis des choses comme ça, finalement, c'est pas par. Un effort de me mortifier, ça n'a rien à voir, je suis devenu autre chose. C'est tout simplement parce que ma sensibilité a changé. Puis j'ai la vibration de dormir par terre. J'ai un petit matelas de mousse. Puis. Quelle chance pour qu'un humain incarné Attendez, là. Présentement n'est pas à séjourner dans l'astral et de se réincarner pour une millionième fois. Ben, c'est ça, il faut qu'il y ait une fusion dans la matière. Si votre mémoire, l'astral, est incapable de supporter, vous ne pourrez pas aller là, ils ne vous garderont pas longtemps. Ça serait comme laisser entrer un ours dans un magasin de porcelaine. Donc, sommes-nous d'accord que manger du végétal, c'est manger du vivant? Sous-entendu, c'est comme manger de la viande finalement. Ben, ça revient au même. Ça dépend. Il y a des gens qui ne devraient pas manger de viande, puis il y en a qui doivent en manger. Puis c'est lié, entre autres, là, je ne vais pas tomber dans certaines affaires, mais oups, ça va trop vite, là. Je vais redescendre ça un peu. C'est les martyrs de la Bible qui se jetaient de la poussière sur la tête avec ses pertes d'ancrage et des résidus aussi. Ben oui. Bon, ils étaient totalement dans la domination. Ben oui. Parce que les forces yaviques sont luciférienne. Je m'excuse de dire ça comme ça, là, mais en tout cas. Quels endroits dans le monde, selon toi, seront les premiers à se sortir de la présente situation? Ça, faudrait que je le regarde. Genre focus, là. Mais c'est clairement pas les pays du Commonwealth ni les pays européens, l'Union européenne, à mes yeux. Là. Des amis Internet ou des amis que tu rencontres régulièrement? Parle-nous de l'importance d'avoir des amis, s'il te plaît. Ça fait longtemps qu'à un moment donné, j'avais tout le temps des gens chez moi. J'ai eu une conjointe qui était plus casanière, puis ça m'a coupé des gens que je voyais. Puis depuis, je recôtoie pas. C'est assez rare. Je discute avec des gens que je rencontre, des fois, fortuitement, là. Mais ça fait longtemps que j'ai pas eu des amitiés, genre des gens qui viennent chez moi. J'ai de la visite, mais c'est souvent de la famille. Moi aussi, je veux l'amour, dit de paix. Moins d'émotions, plus de paix. Ben oui, quand je jardine, je pense pas. C'est ça que j'aime. Puis quand on pense pas, on peut pas vivre d'émotions. C'est difficile. Ça marche pas comme... Pour ceux qui ne veulent pas se marier, qui va s'occuper d'eux lorsqu'ils seront vieux et feront pipi sur eux? Je me rendrai jamais là. Dans ma famille, on meurt avec toute notre tête. Donc, j'ai jamais, du côté de mon père, là, il n'y a pas d'incontinence, il n'y en a jamais eu. On meurt trop jeune. La programmation, sous l'influence de Mars et Pluton, ont tendance à perpétuer ce programme du Phénix. Oui, mais on oublie souvent qu'il y a une autre influence qui est dommageable, c'est Vénus. Qui, en tout cas, en communiquant avec notre corps, on peut avoir accès à tout. Mais Mars et Pluton, je suis d'accord, mais il y a Vénus aussi. Ben de la misère, ça active des forces animaliennes qui, en tout cas, qui font vibrer l'âme. Puis le sang m'intéresse. Ben d'ailleurs, Vénus, dans la mythologie, est conjointe de Mars, n'est-ce pas? Le sang m'intéresse beaucoup. Et au plus, sont plus éveillés en général. Ben la génétique est liée au type d'âme qui s'incarne. Donc, c'est sûr que la génétique, c'est une partie densifiée de l'âme. C'est un code génétique, c'est de la mémoire, hein? Puis ça se transmet, puis si votre grand-père vous a transmis certains gènes, c'est karmique, là, c'est de la loi karmique concrète. Mais les gens le spiritualisent, ils ne voient pas que c'est concret, que c'est des choses concrètes. Non, ils voient ça, c'est spirituel, là, c'est du... Bonsoir, rayon jaune. Tu dors par terre, j'ai fait cela aussi depuis quelques mois. Eh bien, ben oui, moi je dors par terre. Puis j'avoue que j'aime bien, mais un jour je vais avoir un lit. Aimerais-tu avoir des enfants si ce n'est pas déjà le cas? Non. Non, j'aime beaucoup trop mes enfants pour les avoir. Dans le sens que j'en veux pas d'enfants. Parce que je n'ai pas envie de descendre de l'incarnation. Je n'ai pas envie de. Non, puis je serais un père probablement rigide et un petit peu dur. Donc, vécu un arrêt de la pensée pendant 8 jours. Premier jour, surprise et observation. Deuxième, fatigue intense après, un surcroît d'énergie incroyable. Ben ça, il faut que ça ait été voulu par des choses qui sont en contact avec vous, qui ont voulu vous montrer quelque chose. Vous voyez, il y a des choses que j'ai vécues, c'est par intermittence, pour m'y faire goûter, pour que je m'aperçoive que je n'ai pas encore les corps pour le supporter. Donc, c'est très intéressant ça. S'agit-il des endroits dans le monde qui sont importants, ou plutôt des individus, peu importe l'endroit? Quand il y a une masse critique d'individus d'un certain type dans un endroit, il va y avoir un alignement des forces, justement, telluriques, entre autres, la vibration de l'endroit, puis des gens. Puis là, il va y avoir un dynamisme qui se crée, puis ça peut changer le karma d'un pays. Donc, qui a fait la fusion avec son esprit? C'est un mythe ou c'est arrivé pour vrai? Ben oui, c'est arrivé. Bernard était constamment en contact. Il était constamment en contact avec son esprit. La fusion n'était pas terminée au sens que ce n'est pas arrivé pour des paliers plus hauts, mais c'est clairement désorganisant au niveau d'un individu qui doit vivre en société. C'est pour ça que ça ne s'est pas complété à 100%. Mais Bernard de Montréal était constamment en contact avec son esprit. Il a été hébergé en France chez un ami et cet homme-là devait lui rappeler d'aller aux toilettes. Tellement l'esprit ne se préoccupe pas là, de choses comme ça. Donc, être constamment en contact avec son esprit en ce moment, ça serait trop désorganisant. Mais il y en a qui ont fusionné avec l'esprit. Si le contact est tout le temps, il y a un début de fusion, là. Même on ne fait plus la différence entre l'ego et l'esprit de moins en moins. On ne pense plus autant qu'on communique avec le. En fait, la fusion avec son esprit, c'est un mythe, au moins. Bah oui, c'est pas un mythe. Même, il y a des répercussions réelles, là. C'est même, je dirais, c'est dans les expériences les plus difficiles. C'est probablement. Au fait, ce que tu m'as répondu tout à l'heure, que tu disais hier que ça cadrait pas au-dessus de la tête, eh bien, le Québec et le Canada, réservement. Ben oui. Si vous saviez la richesse de notre sol. En tout cas, d'eau douce, ben oui. Puis il y en a, ils veulent nos. Normalement, d'un point de vue logique, on serait supposé se faire gazer plus que les autres. Donc, l'agenda a programmé la chute de l'Europe. Ben, vous allez être totalement vampirisé par des banques américaines. C'est déjà commencé. Les banques en Europe sont en faillite alors que la Morgan Chase va très bien. JP Morgan va très bien. Il va bien, lui. Il doit se. Lui, là, il est vraiment encore là. JP Morgan. Son esprit est encore là. Puis, en tout cas, vous allez être vampirisé. Puis ça, c'est depuis quand là, il y a eu la libération, ce que vous appelez la libération, c'était une seconde, c'était une occupation encore plus subtile au niveau d'une destruction. Ce qu'il y a eu là, l'argent qui était donné pour la reconstruction, c'était un pacte avec le diable. Puis les Européens, vous savez, il n'y a pas de différence entre les sociétés secrètes qui viennent d'Écosse, d'Angleterre, qui ont manipulé pour faire la Révolution française, puis celles qui ont après les gens de New York qui ont financé la Deuxième Guerre pour ensuite. C'est un plan. Hein? C'est tout orchestré par le Père Noël, ceux qui savent de qui je parle, entre autres, là, parce que lui, continue. Tu sais, Monsieur Pikes, là. Bon. C'est ça, des initiés de la connaissance, puis ils sont machiavéliques au sens péjoratif, parce que ça peut être bien d'être machiavélique. Les animaux domestiques, ah. Bernard a déjà dit que 70%, oui, ça me semble juste. 70-75%. C'est difficile de mettre un pourcentage. Mais il y avait encore un petit peu de personnalité, un petit peu d'ego. Il y avait encore juste ce qu'il fallait pour continuer à avoir des rapports avec les gens normaux. Donc, bonsoir, Luce, monde. J'ai écouté récemment Charles Sabourin redéfinir le réel. Il dit clairement qu'on ne peut pas s'éveiller tout seul. Ben oui, mais lui, c'est parce qu'il vend des consultations, entre autres. Ben oui, puis on peut pas s'éclairer tout seul, mais vous n'êtes pas obligé de payer puis d'être dans la pratique de. Voyez, là. C'est normal qu'il prêche pour sa paroisse, c'est bien correct. Mais c'est vrai, mais c'est pas ça va dans son sens à lui, là. Hein? Je l'aime bien, M. Sabourin, c'est un bon bonhomme. Pas d'enfants pour pouvoir les élever. Ouais, ben souvent on se fait élever par nos enfants, moi ça me tente pas. Parce que je suis un petit peu arriéré de bien des façons. Je sais que j'étais totalement seul lorsque j'ai traversé ces. Oui, ben il va y avoir des phases qui alternent entre des contacts sociaux qui sont importants, puis ensuite il va y avoir des retraits des fois pour l'intégration. Il faut gérer à un moment donné l'expérimental. Mais ça dépend de chacun. La fille de la banque cette semaine qui m'a dit, les banques vont bien. Ah oui, eh bien, en Europe, les banques vont bien. Ben, peut-être BNP, là, celle qui va le moins mal, là, mais toutes les autres. Là. Même les banques allemandes, hein, la Deutsche Bank, ça va pas bien. En tout cas, nous verrons ça dans un futur près de chez vous. Le plus dur pour nous, c'est d'ouvrir le contact avec l'ajusteur de pensée, vu qu'on ne le décide pas. Alors que la fusion, on peut décider. La fusion, c'est parce qu'on peut mettre des freins. Comme si vous dites, là, comme ceux qui sont systémiques, là, les intérieurs autres, c'est plus facile de parler que d'autres. Si tu dis là, c'est trop, là, j'ai besoin d'un break. Vous allez l'avoir. Il y a des bonnes chances. Les particules de. Ça va vite un peu, là. Voyons, j'étais où? Les particules de baryum qui s'infiltrent dans le sol permettent aussi le quadrillage. Ben oui, mais il y a de la technologie liée au magnétique terrestre. Donc, il faut miner le terrain avant de. Mais ça, si vous vibrez assez fort, puis dans le sens, au niveau de l'individu, ça ne devrait pas nous inquiéter tant que ça. C'est au niveau du contexte collectif qu'il faut le regarder. Dans les films avec Johnny Depp, il montre tout. Ah oui, Johnny Depp. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, lui. À part dans les nouvelles, parce qu'il est supposément qu'il est pas gentil. La haine intense de certains soumis envers les rebelles, est-ce pas parce qu'on font d'eux-mêmes, ils savent être dans l'erreur et veulent éliminer ce coup. Ben, il y a des gens que leur intelligence en eux veut désespérément entrer en contact avec eux. Puis ça va créer des mécaniques psychologiques des fois surprenantes. Donc, des fois, vous pouvez toucher une corde sensible chez quelqu'un puis voir une réaction émotive extrêmement forte. C'est la mécanique de l'âme qui veut se protéger. L'être humain se protège de sa propre intelligence pour protéger son ego. Il veut se protéger du réel. Donc, c'est embêtant d'oublier d'aller au petit coin lorsqu'on vit de l'énergie du double. C'est intelligent de se faire déçu. Ben Bernard, il ne se faisait pas déçu, mais possiblement qu'il avait une rétention urinaire qu'à un moment donné, il avait le mal dans l'abdomen, puis il ne savait pas pourquoi. J'ai déjà vécu ça, c'est pas le fun. C'est quand vous avez mal dans l'abdomen, là, puis. Tout le canal urétraire vous brûle, puis vous comprenez pas pourquoi. Puis là, vous commencez à avoir de l'urine dans le sang, puis vous commencez à. C'est pas le fun, là. Mais il aurait fini par se le faire dire par. Il aurait fini par leur dire, mais c'est parce que c'est secondaire pour eux autres. Donc. Au Québec, pour les banques, bon, je ne sais pas si c'est pour les banques ici, mais ça, c'est lié à ce qui a été décidé pour le futur du territoire. Mais. Ça va être pour les gens. Okay, ouais. Vous pouvez vous éveiller en couple, c'est la meilleure manière, mais il faut être dans le même sens du développement. Et voilà. Moi, oh, oui. Oui, j'ai vécu deux fois des moments difficiles en couple parce que justement, c'était pas ajusté. Qu'est-ce que l'injection fait dans les plans subtils? Ben, c'est lié à l'expérimental individuel, c'est certain que ça a une répercussion. Mais là. Ça, c'est toute une étude dans le sens qu'il faudrait le regarder, canaliser spécifiquement sur ça. Puis, si tu faisais des enfants, l'astral ne se priverait pas de te coller des hommes collés. Ben oui, c'est sûr, j'aurais des enfants totalement le contraire de moi. Il y a des bonnes. Parce que là, je demanderais, pourquoi il y a une main? Oh, tu as voulu des enfants? Vis-le, vis-le. C'est Patrick fait des vidéos. Ben, je l'écoute pas, c'est Patrick. J'ai connu des gens qui l'ont côtoyé, puis je l'écoute pas, c'est Patrick. Puis bon, j'ai déjà eu affaire à lui, puis c'était pas ajusté. Donc, hop, ça va vite, là. Des vidéos, totalement d'accord, Christian Bonnet. Tu as parlé dernièrement de l'esprit latin, de ses valeurs, par opposition aux anglo-saxons. Peux-tu développer? Ben, ça, c'en est, là, du karmique. C'en est du karmique. Le rapport au plan n'est pas le même. Il y a une soumission luciférienne inconsciente chez les anglo-saxons qui a toujours essayé de parasiter d'autres peuples. Je vais vous donner un exemple, l'apparition du jansénisme en France, puis la doctrine de la prédestination. Donc là, vous avez là une clé. Quand tu parles de sortie de corps, je dormais sur le lit en haut. Et j'avais la flemme d'aller éteindre la lumière. Alors, je sortais ça. Oui, il y en a même qui ont fait des sorties hors corps en se convainquant d'aller boire un verre d'eau. Puis, pourtant, on ne peut pas boire un verre d'eau. en forme, elle sera pas. Vous allez voir de l'eau, mais c'est pas de l'eau qu'on peut boire, là. Ça, en sortie astrale, vous avez déjà vu l'eau qui s'accumule dans les coins des plafonds. C'est de l'éther plus dense. Parce que l'astral, c'est juste quelque chose qui est de la mémoire qui parasite l'éther, un décor comme qui est dans un espace, mais il y a de l'éther sur tous les plans. Donc, votre femme, je me balade au plafond, mais pas le crâne. C'est drôle ça, moi j'avais une sortie, puis j'avais voulu voir dans le plafond, puis je me suis ramassé directement dans l'astral. J'ai pas pu voir dans le comme je pensais, là, au niveau matériel. C'était très étrange. Je pensais aller dehors, puis finalement, je me suis ramassé directement dans l'astral. Est-ce qu'un partenaire de parole est nécessaire? J'ai remarqué que quand tu parles... Ben moi, j'en ai pas depuis des années. J'ai remarqué quand tu parles, on me fait payer après. Ben, ça dépend ce que vous voulez dire par ça, là. On vous fait payer. Quand je parle, vous vous faites payer après. De l'expérience faite dans cette vie et voir les chocs. As-tu pu discerner l'initiation lunaire, l'initiation solaire dans ta propre expérience? Oui. Ben oui. Ben oui, c'est pas le même type de... Ça va être psychologique, hein, la souffrance, l'initiation lunaire. Puis c'est des grosses expériences de souffrance intense comme la dépression. C'est une initiation lunaire. Puis, il y en a beaucoup qui vont, vont se bloquer. Ils ne seront pas capables de transmuter l'énergie expérimentale parce que des experts les en empêchent. Donc, ils vont rester en dépression toute leur vie ou dans un état de stase. Donc, bon. Quelle est la place de l'amour dans le plan terrestre? On peut la vivre, c'est encore du psychologique mur à mur. Dans le plan matériel, moi, ce que j'ai vu le plus, c'est l'amour planétaire polarisé qui est astralisant. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que le Nazaréen, là, Jésus, le message a été récupéré par des institutions humaines et que des gens sont allés faire des guerres et tuer au nom du Christ. Parce qu'il y a une polarisation de l'amour planétaire. C'est pas dur à reconnaître l'amour planétaire polarisé si vous l'avez vécu avec quelqu'un. Une journée, vous vous adorez, le lendemain, vous vous détestez. Puis c'est très passionnel. Tout ce qui est passionnel, c'est du planétaire polarisé parce que c'est lié à des mécaniques de l'âme. Puis il y a des forces animaliennes à travers ça. Donc, la possessivité, la jalousie. Pour la Deutsche Bank, l'empereur enterrera tous ses soldats dans son tombeau. Vision de Daniel. Oui, possiblement. Il y a une madame, dans celle qui ont voulu ouvrir un portail le 11 du 11, qui s'appelait Madame Kaiser. J'avais trouvé ça spécial. Ça me faisait tout de suite, j'ai passé à Guillaume II. Puis, bon. Ça va vite un peu, là, j'en perds. Une autre personne qui s'expatrie dans un autre pays, qu'est-ce que ça fait à son karma? Ben, ça veut dire que ça fait partie de son karma, souvent. Dans le sens que ça fait partie de sa programmation. C'est comme quand vous avez une dette que vous ne pouvez pas payer d'un coup, ben là, on peut différer les paiements. Ça va juste changer les formes. Mais l'énergie, c'est l'énergie. Donc, les retours d'énergie. Mais quand tu es né ici, c'est une autre affaire, car c'est de faire la différence. Avant de voir la nouvelle évolution, il y en a un qui parle à Monsieur Darkimist. Tu es rentré dans le programme astro qui tient les murs en place. Oh, c'est pas un programme astral qui tient les murs en place, c'est des lois de physique. Dans le sens qu'il ne faut pas. Il faut pas tout mêler. Là. Mais il y a un décor. Il y a une différence entre les murs et le décor qui fait la perception des murs. Je ne sais pas si... Machin, bon, il y en a, ils se parlent. Ah, vous parlez vous autres. C'est l'initiation solaire qu'il faut faire pour changer la polarité de la fusion. Oui, mais il faut commencer par le début. À moins d'avoir des aptitudes liées à une mémoire qui n'est pas là ou qui est différente. Dans le sens, ça dépend de l'âme. Ça dépend de la. Ça dépend aussi possiblement de d'autres facteurs. Mais normalement, avant de faire des initiations, comme par exemple Il y a des vrais contacts internes, il va y avoir des initiations astrales. Puis c'est tout, ça suit toujours comme ça, parce que ça suit la mémoire expérimentale humaine. Camille, ah bon. En Guyane, quand je suis entré dans l'initiation, je voyais les programmes à l'envers dans le décor. L'être humain est à l'envers. Ça, moi, mes yeux, ils voient tout à l'envers. D'ailleurs, la hiérarchie inversée, les forces animaliennes, la satanique, le luciférien, l'être humain va voir ça comme des forces spirituelles. Puis, il voit pas que c'est comme l'astral, ça a beau être enregistré dans l'éther de la planète, il reste que ça vibre plus bas que le plan matériel. Puis, les gens vont voir là-dedans des mondes spirituels élevés. Le haut astral, l'être humain voit à l'envers, il est à l'envers. Vous savez, là, dans le tarot, là, il y a un moment donné, il y a un bonhomme pendu, là, celui, c'est l'étape de celui qui agit à l'envers des autres. C'en est un stade initiatique de celui qui agit à l'envers des autres, qui voit à l'envers, c'est le pendu. Il passe pour un fou, là, différent du fou qui s'avance vers le soleil, puis vous savez, il y a un précipice devant lui, puis il y a son âme derrière, dans le sens que même il y a une sortie de... Mais là, ces vieilles formes-là, il reste qu'il y avait il y a de l'instinctif qui était, même ça a pris des formes astrales. Quand vous parliez d'espionnage dans les objets connectés, est-ce que j'ai vu dans l'initiation, c'est que tout être vivant est une caméra? Ben oui. Ben oui, l'être humain est observé de l'extérieur. Le plan matériel est observé à travers lui par des êtres qui ne sont pas nécessairement matériels. Mais c'est là que prenez des gens qui ont des grosses astralisations là, fortes, là, comme, je ne sais pas, un schizophrène paranoïde qui va se sentir suivi dans la rue. Il est suivi dans la rue. Mais il projette vers l'extérieur un phénomène interne du parasitage. Donc, c'est assez. Le karma est lié à l'amour, c'est les mécaniques de l'âme, c'est lié à de la mémoire. Quand vous parlez, oui, peux-tu nous aiguiller sur ce qui concerne l'initiation forcée ou accélérée? En quoi est-ce si brutal? Doit-on forcément souffrir si on veut défoncer les portes de l'éveil? La souffrance va être liée souvent à ce que des choses auxquelles vous attachez une valeur ou de l'importance dans votre vie. C'est là que c'est difficile. Puis comme il y a un savoir de ça chez l'être humain, il y a même des chefs de secte qui vont se servir de cette loi-là pour que les gens se dépossèdent de leurs biens. Ça, c'est du vampirisme total. Mais il reste qu'il va falloir qu'il y ait un détachement de certaines choses où vous donniez de la valeur psychologiquement puis émotivement. Ça, c'est difficile. Donc, il va toujours avoir une certaine forme de souffrance. C'est un peu comme un papillon qui est attaché à son cocon, là. Donc, ah, le téléphone sonne. Je vais devoir vous laisser. Donc, parce que là, c'est une conversation, je tiens pas à ce que. Ah non, ça allait arrêter, semblait-il. Donc, peux-tu nous aiguiller, c'est correct? Je ne sais pas si je l'ai vraiment lu. Oui. As-tu déjà voyagé en dehors du Québec? Oui. Y as-tu ressenti une récupération de mémoire karmique ou de fragments d'âme? J'étais très jeune, j'étais un enfant. Quand je suis allé aux États-Unis, là, entre autres, en Nouvelle-Angleterre, mais je sentais déjà à cette époque-là des vieilles mémoires. Le Maine, c'est très. Stephen King peut bien venir de là. C'est spécial, la Maine. Puis j'ai surtout été frappé par la pauvreté. Surtout quand je suis allé dans. Bon, mon micro va me lâcher dans les Maritimes. Je vais devoir vous laisser, là, parce que de toute façon, ça fait 1 heure et demie, là, puis mon micro, ben, il est pas de. Il a affaire à la terre. Donc, le pendu est à l'endroit. Oui, c'est nous qui sommes à l'envers. D'ailleurs, les gens, j'ai remarqué ça dans le temps que j'avais expérimenté avec crise de tête. Avec ça, les gens vont être portés à placer la carte à l'envers quand ils la mettent sur la table. Puis pourtant, je laisse ça, là, c'est des affaires-là. Dark Emis parle beaucoup, mais je vais devoir vous laisser. Donc, bonne journée.